En voiture sur une route interdite d'accès entre Saint-Antonin-du-Var et Carcès. Il s'est retrouvé encerclé par l'eau qui a pénétré dans son véhicule. Lui aussi fait le pont. Emmanuel Macron profite, comme beaucoup de Français, d'un week-end prolongé cette fin de semaine. Le président de la République a posé ses valises à Honfleur en Normandie pour la Toussaint. Une habitude depuis plus de 20 ans qu'il tient à maintenir avant la série de commémorations du centenaire de l'armistice. On ne brade pas les prix du lait. Les producteurs français comptent bien le faire comprendre une fois de plus aujourd'hui avec leur opération Chrysanthème. Ils vont mener cet après-midi une action syndicale, notamment dans la Sarthe et en Seine-Maritime, pour dénoncer les promotions abusives des produits laitiers en grande surface. Ses premiers mots étaient très attendus. Robert Bowers, l'auteur de la tuerie de Pittsburgh, s'est présenté devant la justice américaine hier. Il a plaidé non coupable des 44 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Il est accusé d'avoir tué 11 personnes dans une synagogue de la ville américaine samedi dernier. Il encourt la peine de mort. Retour en France avec Yannick Noah. Il table sur Tsonga. Le capitaine de l'équipe de France a dévoilé sa feuille de route pour la finale de la Coupe Davis fin novembre. Il a fait le choix de miser sur Joe Wilfried Tsonga et donc se priver de Gilles Simon. Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Luc Apoux, Nicolas Mahut et Pierre Herbert sont également présélectionnés. Et puis du tennis toujours avec les Masters 1000. Après 3 ans d'absence, Roger Federer signe un retour gagnant sur le court de Paris-Bercy. Il a décroché sa qualification pour les quarts de finale hier. Le Suisse, numéro 3 mondial, affrontera le vainqueur du match entre Kevin Anderson et Kei Nishikori. Un détour par le Parc des Princes également avec le début de la 12e journée de Ligue 1 ce soir. Paris affronte Lille, son dauphin en classement à 20h45. Avant sa grande échéance de mardi, le PSG qui se déplace à Naples en Ligue des Champions. Il est décidément heureux en ce moment. Keigo dégaine un nouveau titre, Happy Now. Il l'avait présenté une toute première fois en septembre en festival à Las Vegas. Ce morceau qui n'est pas sans rappeler l'univers d'Avicii. Et pour cette chanson, Keigo a d'ailleurs fait appel à un artiste suédois, Sandra Cavazza. Très bon réveil sur Énergie. Tout de suite, le retour du best-of de Manu dans le 6-9. Bonjour Isabelle. Bonjour Paulette. Bonjour Glandu. Bonjour Nico. Et bonjour papa. Allez, ça commence. Et c'est le best-of qui démarre sur Énergie, l'ultime best-of avant le retour de Manu dans le 6-9. Et c'est Ouin lundi, en pleine forme après ce long week-end prolongé. En tout cas, bon réveil, on est vendredi matin, le 2 novembre. Soyez les bienvenus, je m'appelle Anto et avec moi j'ai ramené le meilleur de Manu dans le 6-9. Avec les concons du jour qui se préparent comme chaque matin à 6h10, on écoutera aussi George Ezra. Et juste avant, on démarre officiellement ce best-of. Manu dans le 6-9. C'est Manu, c'est Manu sur Énergie. On va se faire du bien. Oui. Ouais. Nous avons tous des complexes. On l'avait déjà fait en début d'année et on va continuer à le faire. Chacun donne un complexe qu'il a. Il se sent pas bien avec ça, il le vit pas très bien. Et les autres l'aident en lui trouvant les avantages à ce complexe. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Je peux commencer. Vas-y. J'ai clairement des trop grandes oreilles. Et quand j'étais petit, on m'appelait Dumbo. Oh. Ouais. J'ai des trop grandes oreilles. Elles sont grandes. Elles sont grandes, voilà. Mais tu fais un métier adapté, quoi. Tu portes un casque pour la radio. Donc comme ça, on les voit moins que les autres qui ont des grandes oreilles et qui le. Oui, mais c'est pas un avantage, ça. On voit moins les oreilles de tout le monde lorsqu'on met un casque. Donc c'est nul comme avantage. T'entends mieux le son. Mais non. Si le son va rentrer par une plus grande surface, du coup, tu vas mieux entendre. C'est important dans ce métier, bien entendre. Ah. Ouais, ok, je prends ça. Ça marche. Quel est votre complexe, Isabelle? Ah, moi, j'ai un double menton. Oh, alors déjà, il se voit pas énormément, honnêtement. Et en plus, il se voit avoir un double menton, ça fait un peu comme un coup de pélican. Et c'est pratique, tu peux manger un poisson en entier. J'essaie de trouver un avantage. Mais non. Alors, vas-y, toi, Nico, un avantage à avoir un double menton. Eh ben, c'est que quand on a un double menton et qu'on complexe, on prend beaucoup plus de photos, par exemple, de selfies par le haut. Et on est tous beaux par le haut. Donc, quoi qu'il arrive sur les photos, t'es magnifique. Ah, ça marche, hein, ou pas? Bah non, ça marche pour tout le monde. Ouais. Non, faut trouver un vrai avantage à avoir un double menton, glandu. T'amuses les enfants, tu joues avec, tu fais blablabla comme ça. Bah si, c'est vrai. Bah les enfants, ils aiment bien ça, ils rigolent. Hey, madame Guimauve. C'est vrai que c'est un bon avantage. Ouais. On continue. Est-ce que vous avez un complexe et on va trouver un avantage? Nico. Ah, je suis poilu de ouf, moi. Je suis hyper poilu, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça, Nico. Je peux pas mentir. Alors, le premier avantage auquel tout le monde pense, évidemment, c'est qu'en hiver, tu as plus chaud que nous. Ouais. C'est un peu. C'est quoi? C'est un peu comme la laine de mouton. Ouais. Essaye de faire. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Dordu. Et t'as moins de chances de tromper ta femme parce que du coup, t'es repoussant quand tu te déshabilles. Alors, du coup, si un jour t'es tenté, bah non, mais c'est un bon. Est-ce qu'on passerait pas à autre chose là? Non, c'est un avantage. Non, trouve après avantage. Je parle la glandule. Bah, Isabelle. Je pense que quand tu prends ta douche, ça doit être trop mignon, ça doit mousser. C'est hyper sympa à deux. Ça, c'est vrai que je mousse plus que les autres. Ouais. Ça, j'ai déjà remarqué ça. Merci Isabelle. L'avantage nul. Ah ouais. Le super pouvoir incroyable. Ah ben moi, je mousse dans le bain. On a Terry qui est là au téléphone avec nous. Bonjour Terry. Ouais, salut Manu, salut l'équipe. Bienvenue sur Énergie. Vas-y, fais-toi du bien. Quel est ton complexe, Terry? Alors moi, j'ai un problème, comme on va dire, pas mal d'hommes. J'ai une calvitie qui commence sur les côtés, au niveau des tempes. Plus je vois les années qui défilent, plus je vois les tempes qui se dégradent. C'est le stress numéro un des hommes, on en avait déjà parlé, les cheveux qui tombent. Ouais. Quel est l'avantage à commencer une calvitie, Isabelle? Plus besoin de bonnet de bain à la piscine. Ah ouais, ah bon ouais. Les chiens, ils n'en mettent pas? Bah non, ils n'en mettent pas jamais. Ah, ils Thierry, en ont pas besoin. Thierry, il faut que tu deviennes nageur professionnel et tu feras une sacrée économie de bonnet de bain par rapport aux autres. Pas con, Nico. Et au plus vite, t'as plus de cheveux, bah du coup, après, t'as plus de cheveux blancs. T'as pas de cheveux blancs parce pas de cheveux. Pas mal ça. Paulette. Et tu fais des économies de shampoing? Sacrément des économies de shampoing. Et alors Thierry, tu sais quoi? On commence à être tous jaloux de toi. On te souhaite une belle journée, Terry. Bonne journée, équipe, salut. Manu dans le 6-9. Demain, c'est samedi et moi, je reste au lit. Yes. N-R-J. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone. 6h09 sur Énergie, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9. Avec Manu et toute l'équipe, on va parler vie de couple et plus précisément des motifs de disputes débiles dans un couple. Par exemple, vous les filles qui ne rêvez que de shopping et de promenade, alors que nous les mecs, bon, on raisonne plus en mode jeu vidéo plus raclette. Eh oui. Aya Nakamura pour la suite. Et puis là, comme chaque matin à 6h10, voici les concons du jour. Manu dans le 6-9. Je vous adore, les wouah. Merci. Tout de suite. Voici les concours du jour. Oui. Des gens improbables qui font des choses improbables. Oui, il y a pire que nous dans le monde. Aux États-Unis, une femme fait une balade en bateau avec sa famille et voit des baleines nager un peu trop près d'elle. Et d'un coup, elle prend peur. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la police. Voilà. Pour se plaindre. Wow. Quoi? Pour se plaindre qu'à côté de son bateau, il y a des baleines. Ouais. Alors évidemment, la police refuse la plainte parce que clairement, elle peut pas faire grand-chose. Bah ouais. Mais elle fait quand même tourner cette info un petit peu partout et elle arrive jusqu'à nous. Ouais. Génial. Merci. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'espérait la nana en appelant la police? Bah oui. Qu'ils viennent avec des menottes? Qu'ils embarquent les baleines en cellules? Ouais, c'est vrai. En Belgique, des lycéens voient arriver un prof de maths dans leur classe qui se présente comme le remplaçant de celui qu'ils connaissent. Ouais. Problème numéro 1, il est totalement bourré. Oh. Ah. Problème numéro 2, le vrai prof de maths arrive. En fait, l'autre n'était pas du tout un remplaçant. Et c'était pas d'ailleurs du tout un prof. Il a été arrêté. Et c'est la troisième fois que ce mec fait le coup parce que ça le fait rire. Voilà. Ça fait tellement parier entre potes bourrés, quoi, justement. Un petit peu. C'est pas bien. Alors on vous le rappelle, hein, Sam, c'est celui qui ne cherche pas à apprendre le théorème de Pythagore bourré à des lycéens sans être prof. Oh là là. Merci. Voilà. On termine par un voleur concon. Un homme de 44 ans qui s'appelle Barton Bishop a été arrêté en juillet dernier pour avoir volé des nains de jardin. Ouais. Mais pas un nain de jardin ou pas deux nains de jardin, des dizaines de nains de jardin dans plusieurs propriétés. Mais c'était son délire. Il a été arrêté. Il devait passer au tribunal il y a quelques jours pour quand même 67 vols de nains de jardin. Wow. Bah c'est beaucoup. Ah, c'est oui. Quand même. Et le mec au tribunal, on ne sait pas pourquoi, ouais. Parce que bon, c'est pas bien, mais c'est pas non plus le crime de l'année. Ouais. Et ben il n'est pas arrivé au tribunal. Il ne s'est pas présenté au procès. Du coup maintenant. Il y a un mandat d'arrêt contre Barton Bishop. Ouais, et un mandat d'arrêt aux États-Unis, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est considéré comme fugitif. Ah ouais? Oh, c'est ouf. Il y a un homme aux États-Unis qui est fugitif pour vol de nains de jardin. Bizarrement, je me dis qu'on en fera peut-être pas un film. Non. Non. Moi, j'ai envie de dire à Barton Bishop, excellent choix de vie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les wouah. Énergie. I do it so long. Energy, it's music only. Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blouse, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes. Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Ce matin, si vous bossez, bah pas de soucis, le week-end est de retour, donc ça c'est cool, avec le meilleur de Manu dans le 6-9, et avec un classique qui arrive que j'aime beaucoup, c'est le Mamie Bébé Chien. Une action, une situation, à vous de décider avec qui vous voulez la partager, soit avec une mamie, soit avec un bébé, soit avec un chien. Il y aura Calvin Harris aussi, et puis la 6h18, suite de ce best-of en mode vie de couple. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu sur Énergie. Nous parlons de paix dans les couples. Ah ouais, super. Ouais. Nous parlons de motifs de dispute. Ouais. Débile dans le couple. Ah oui. Mmh. Ça part en discussion justement et ça se finit en dispute, mais pour une raison débile. Ouais. Pourquoi on en parle ? Parce que j'ai trouvé quelques exemples sur un forum de discussion et j'ai envie de partager ça avec vous. Allez. Exemple. On s'est disputé parce qu'il avait sauvegardé mon numéro sur son téléphone avec mon prénom et mon nom comme n'importe qui d'autre. Ah ouais, c'est relou. Ah, ouais. Ah, bah. Ah ouais, ouais, vous voulez qu'on mette amour, tout ça quoi. Ouais. Bah oui, au moins. Ah non. C'est vrai que moi, si elle me met à Emmanuel. L'accent. Oui, mais ça casse l'ordre de ton répertoire. Moi, j'aime bien avoir un répertoire bien rangé. Donc, c'est vrai que moi, je mets le vrai prénom, le vrai nom. Ah, si, bah, si, c'est important. Bah, et pour Glandu, c'est important d'avoir son répertoire bien rangé. Bien rangé, T'arrives. Une autre dispute. Il s'est fâché parce que j'ai voulu vérifier quelque chose qu'il m'avait dit sur Google. Ah, ouais, tiens, c'est marrant, c'est encore Glandu. Ouais, Eh, mais dis-moi, t'as mis des trucs dans le forum. C'est ça, c'est moi qui ai posté. Glandu, avec ça, est insupportable. Non, mais vraiment, je t'assure, il y a des fois, c'est. Tu sais quoi, tu t'en rends pas compte, mais c'est vexant. Oui, mais. On dit un truc et t'es là sur ton téléphone et je te fais, tu fais quoi? Putain, je vérifie. Ouais. Non, c'est pas seulement que je vérifie, c'est que aussi j'aime bien avoir des infos en plus de ce que tu m'as dit. Mais fais-le après. Comme ça. Ouais, mais après j'oublie là, c'est sur le moment quoi. Mais je t'écoute, hein, je t'écoute d'une oreille. Et de l'autre, je vérifie. Ah, c'est énervant. Oh là là. Dernier motif de dispute débile dans un couple. On se dispute régulièrement pour savoir qui de nous deux va éteindre la lumière alors qu'on est déjà au lit. Ah oui. Alors ça, je sais pas quelle est votre règle là-dessus. Moi, c'est toujours celui qui va le dernier au lit. C'est lui qui éteint la lumière, et même s'il a oublié. Ah ouais, moi c'est ça aussi, mais dès qu'elle me demande de se mettre, j'y vais, quoi, j'ai pas le choix. Quoi. C'est-à-dire qu'elle se met dans le lit, c'est Nico, va éteindre la lumière. Et si jamais elle dit Nicolas, alors là, bah, ça pue. Là. Tu sais qu'il faut que j'y aille, quoi. Des fois, sa femme, c'est sa mère. C'est un peu ça, ouais. Isabelle, mais vous avez pas un interrupteur à côté de votre lit, en fait? Non. C'est hyper bizarre chez vous. Hein. Bah, parce que moi, moi, j'ai juste à tendre le bras non, et là, j'éteins. On vit pas à l'hôtel. Hein. On peut continuer et compléter cette liste. Parlez-nous d'un motif de dispute dans votre couple complètement débile ou votre dispute de couple la plus absurde que vous ayez connue. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Isabelle, vas-y. Oui, alors moi, avant-hier, on s'est disputé parce que mon fils a passé sa journée d'école le slip à l'envers. D'accord, mais pourquoi il a fait ça? Et pourquoi vous êtes disputé surtout? Mais parce que c'est mon mec qui habille mon fils pour l'emmener à l'école. Hein? Et en fait, il lui a foutu le slip à l'envers, il a pas checké le slip, tu vois. Ouais. Et tu t'en as aperçu comment? Et ben le soir en le mettant en pyjama. Et là tu dis le slip était à l'envers. Mais, ouais. Mais est-ce que ton fils ça l'avait perturbé? Mais pas du tout. On rappelle que son fils a 20 ans. il a 4 ans et demi. Bah ça l'a pas perturbé, c'est pas dramatique. Bah oui. Si, c'est dramatique. Ah non, moi ça m'a énervé vraiment. On s'est engueulé à cause de ça. Mais parce qu'il a dû être hyper mal à l'aise toute la journée, tu vois. Mais ça l'a pas perturbé. Mais oui, mais t'as déjà passé une journée le slip à l'envers, Manu? Arrête. Arrête, ça devient gênant cette discussion. Je crois que ton mec nous écoute. Arrête avec ça. On en parlera après. Non, mais sérieusement. Betty, bonjour. Bonjour Manu, bonjour toute équipe. Pour quelle raison un peu débile tu t'es disputée avec ton mec? C'est simple, on était à la plage, je me suis fait piquer par une abeille et j'ai pété un câble parce que mon mari a donné raison à l'abeille. Alors, c'est intéressant, mais pourquoi il a donné raison à l'abeille? Bah écoute, je sais pas, parce que moi en tout cas l'abeille elle m'a défoncé le dos, j'avais trop mal. Et lui, bah, au lieu de me dire bon ma chérie c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis là. Non c'est en même temps, pauvre abeille quoi, elle est morte quoi. Ah ouais. Bah oui c'est vrai parce qu'on rappelle qu'une abeille qui pique elle meurt après. Ouais, bah, ouais c'est triste. Donc tu vois, à la différence de toi Betty, donc tu vois, tiens, non mais c'est vrai. Ah non mais Manu tu vas pas t'y mettre toi non plus. Elle m'a défoncé le dos, j'ai eu trop mal quoi. Oui mais c'est fini alors que elle c'est fini. Donc tu vois, quelque part, tu t'en es mieux sorti que l'abeille. Et ton mari a bien eu raison. Moi, je serais... J'aurais été allergique. Non, mais attends. Tu l'es pas. Non, c'est vrai, les pauvres abeilles, mais moi, sur le coup, j'avais trop mal, tu vois. Ouais. Et merde, j'aurais pu prendre... Betty, tu fais chier. Putain, je comprends ton mari. Excusez-moi, pardon, je suis énervé. On t'embrasse, Betty, merci de nous avoir appelé. Votre dispute dans le couple, Glandu, célibataire maintenant. Ouais, du coup, avec mon ex, moi, je m'étais embrouillé parce qu'elle disait spaghetti au lieu de spaghetti. Elle disait quoi? Spaghetti. Yeti. Et oui, elle me maintenait qu'en Italie, on disait comme ça. Elle disait non, moi j'étais en Italie, ils disent spaghetti. Mais à quel moment ils disent spaghetti? Ils disent pas spaghetti. Bah non, jamais. Bah merci. T'as eu raison de la. Ouais, voilà. Juste à cause de ça. Manu dans le 6-9. Vive le vendredi, car demain c'est samedi et moi je reste au lit. Yes! N-R-J. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't.

Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. C'est le best-of de Manu dans le 6-9 qui continue. On va écouter David Guetta après les infos sur Energy. Il est un peu plus de 6h30. Toute l'actu avec Morgane Derrien. Oui, elle est là. Salut Morgane. Salut Anto, salut à tous. On commence avec la météo et un petit peu de soleil, mais pas trop non plus. Le programme est agréable côté ciel dans l'ensemble. Ce matin, on a le droit à de belles éclaircies de la pointe bretonne à l'Auvergne. En revanche, le ciel est plutôt bouché entre la Bourgogne et la Côte d'Azur avec en prime de possibles averses au fil de la journée. On attend 12 degrés cet après-midi à Paris, 14 à Nantes. Entre selfie et bain de foule, il tient à rassurer les Français. Emmanuel Macron va bien et il l'a répété à tour de bras hier à Honfleur. Le président de la République a choisi de s'accorder un week-end prolongé en Normandie avec sa famille. Un break avant une semaine chargée pour le chef de l'État. Il va enchaîner les rendez-vous politiques et cérémonies commémoratives pour le centenaire de l'armistice. Les Français sont massivement pour le blocage des routes le 17 novembre. Selon un sondage, 8 personnes sur 10 soutiennent l'appel à la mobilisation contre la flambée des prix du carburant. Le mouvement est bien plus soutenu que les précédents, comme celui des cheminots ou encore des fonctionnaires. Il a été sacrément arrosé. Ce mois d'octobre a été historiquement le plus pluvieux dans le Var. Et bah, tous les records de précipitations, ces 31 derniers jours, il est tombé 70% de ce qu'il pleut habituellement en une année dans le département. Il suit les traces de Donald Trump et ce n'est pas forcément rassurant. Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, a confirmé hier vouloir transférer l'ambassade du Brésil en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Une mesure polémique déjà appliquée par les États-Unis en décembre 2017. Et en France, coup d'envoi de la 12e journée de Ligue 1 et c'est au Parc des Princes que ça se passe. Elle sera donnée avec PSG Lille à 20h45. Paris premier au classement qui affronte donc Lille, qui est également deuxième au classement devant Montpellier. Des flingues, de la baston et surtout beaucoup d'humour. En liberté, c'est la comédie française de cette année à découvrir au ciné cette semaine. Au casting, Pio Marmaille incarne un innocent condamné à tort et qui ressort de prison, véritable bandit. Il se retrouve à monter des braquages pas toujours bien préparés, surtout question équipement. Bah ouais, j'ai braqué une banque avec des gants géants, pété les vitrines, tiré sur des gens avec une tenue en simili-cuir et un zip qui descendait jusqu'aux parties intimes. C'est pas tous les jours qu'on fait une chose comme ça. Je le referai pas tout de suite parce que c'est pas évident non plus à faire. Je trouve que le truc le plus rigolo, c'est quand on est allé dans la boutique acheter la combinaison. Putain, j'ai découvert des accessoires dont je n'imaginais même pas l'existence. Ça m'a un peu glacé. Et pourtant, je suis un mec assez ouvert. Hein. Je n'ai pas envie de mettre ça sur moi. Je n'ai pas envie d'avoir ce petit bac à urine sur le front. Ça ne m'intéresse pas trop. Une interview au micro de Bertrand L'Aiguillon. Très bon réveil sur Énergie. Tout de suite, le retour du best-of de Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. lundi matin, il sera de retour avec toute sa dream team de Ouin-Ouin, Isabelle, Paulette, Glandu, Nico Duweb. Lundi matin, retour de Manu dans le 6-9. D'ici là, c'est le best-of qui continue en ce vendredi 2 novembre. Bon courage évidemment si vous bossez ce matin. Si c'est week-end prolongé, bah tranquille, au chaud sous la couette avec deux stars qui seront là à Cannes pour l'Energy Music Awards. On va écouter David Guetta et Maître Gims. Les sondages du jour arrivent à 6h40 et juste avant, un classique. Voici le Mamie Bébé Chien. Manu dans le 6-9. Il répondait au nom de Manu de 6h à 9h tous les matins. 6h, 9h30 tous les matins sur Énergie. Nous allons tenter de répondre à une question et la réponse ce sera soit une mamie de 90 ans, soit un bébé de quelques mois, soit un chien. Et la minute, de quoi il s'agit? C'est un truc qu'on n'a pas encore fait depuis qu'on est rentré. Le principe est très simple. On se donne des situations et on se dit avec qui on préférerait que cette situation se passe. Une vieille dame de 90 ans, un bébé de quelques mois ou un chien. Je commence. Faire un ping-pong. Faire un ping-pong avec qui on préfère? Mamie, tu gagnes. Le chien, tu gagnes aussi. Ah oui, c'est vrai. Le bébé, tu gagnes aussi. Honnêtement, si tu perds contre un chien au ping-pong, Paulette, on a un souci. Non, j'ai pire. Si tu perds contre un chien aux échecs. Mamie, bébé ou chien? Proposition, Nico? Aller à un mariage. Tu fais avec une mamie, un bébé ou un chien? Un bébé, non, parce que tu vas être obligé de t'en occuper. Le chien, on sait jamais, il va falloir le sortir, bouger, ça peut gêner les gens, il peut aboyer, il peut faire peur à des gens. La mamie, tu la poses, tu la récupères à la fin. Non, tu la poses avec d'autres mamies. Ah oui. Manu, tu sais qu'un jour tu seras vieux toi aussi. Je sais, c'est pour ça que j'en profite. Paulette? Moi je suis d'accord, une mamie c'est vachement bien pour un mariage parce qu'elle peut te ramener. Si elle boit pas, elle te ramène. Oula. Bah quoi, mamie elle boit pas? Oui, mamie de 90 ans, moi je préfère rentrer à pied. Bel argument de Paulette. Elle a peut-être un peu bu, Paulette. Mamie, bébé ou chien, une situation, Isabelle? Aller à un concert. Aller à un concert. Alors, pas avec la mamie parce que ça peut lui faire mal aux oreilles. Non, mais tu lui mets des. Il y a plein de bouchons d'oreilles et si c'est un concert de quelqu'un un peu âgé qu'elle écoute et tout, ça peut lui faire plaisir. Ah, mais ça dépend quel concert alors, les amis. Et puis, mamie, moi, ce que je trouve bien, c'est que tu sais, t'as les places handicapées là. Du coup, t'as accès à des places bien placées. Mais on n'a pas dit handicapées, c'est une vieille dame. Une vieille dame, ils ont des places, ils ont des places spéciales. Pour les personnes âgées. Et les places réservées dans les concerts pour les personnes âgées? Les personnes très âgées, oui. Backstage, quoi. Alors là, tu m'intéresses. On a Cécile avec nous au téléphone. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue sur Énergie Cécile. Mamie, bébé ou chien, quelle est la situation que tu nous proposes? Faire Pékin Express. C'est une bonne question ça. Pékin Express avec une mamie, un bébé ou un chien, Nico? Moi je dirais mamie, moi, parce que je pense que les gens ont un peu de compassion et du coup ils t'aident un peu plus. C'est pas mal. C'est pas idiot. Un chien, il t'aide de tout, il peut te sauver d'une attaque. Si tu dors dans le froid, il peut dormir sur toi, t'as chaud. Mais c'est Pékin Express, il peut te sauver d'une attaque. Attention, perdu dans la montagne. Non, même argument que Nico, mais avec un bébé. Les gens ont trop de. Tu vois, tu dis, on n'a rien à manger, donne-nous à manger. Il faut qu'on se déplace. Bah, avec un bébé, les gens, ils prennent direct. Mais non, avec le bébé, tu perds du temps à changer les couches. Donc c'est chiant. La mamie aussi, hein. Allez, on s'arrête là-dessus. On t'embrasse, Cécile. Merci de nous avoir appelé. Bienvenue sur Énergie. Ce soir, c'est le week-end. C'est Manu dans le 6-9. C'est le week-end. I don't wanna like when we be honest. Right now, why you're sitting on my chest? I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. Be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave. See your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be

tous les matins sur Énergie. Les sondages du matin, on démarre avec la tâche ménagère de 11% des hommes. Ouais. La tâche ménagère préférée de 11% des hommes, d'après vous, c'est quoi, Paulette ? Passer le balai. Passer le balai, non. Lancer le lave-vaisselle. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, tu mets le programme, tu sais. Ouais, t'appuies sur le bouton. Ouais, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est bien vu. Moi, je mets sur automatique. Oh, les feignants. Nico. Tu dois le faire avec une machine ou pas, ce truc-là ? Non, pas non. Besoin de machine. Ah. T'as besoin de quelque chose, mais pas d'une machine. Ramasser ouais. Juste le petit tas de poussière avec la balayette. Ah non, ça, c'est trop dur. Non, parce que ramasser un tas de poussière avec la balayette, tu le mets, il y a toujours un petit bout qui reste. Tu ouais. Remets, il y a toujours un petit bout. Tu remets, il y a un petit bout et à la fin, tu fous tout sous le canapé. Oh non. C'est dans la cuisine ? C'est dans la cuisine, absolument. Faire la vaisselle. C'est pas faire la vaisselle, c'est essuyer la vaisselle. La tâche ménagère préférée de 11% des hommes, c'est essuyer la vaisselle. J'avoue que moi, si je devais choisir une tâche ménagère à faire toute ma vie, ce serait essuyer la vaisselle. Bah, ah ouais, ouais. Mais c'est cool, tu peux faire autre chose en même temps. Ouais, et puis souvent ça va à deux. Souvent t'as celui qui fait la vaisselle et celui qui essuie. Donc exactement. Celui qui essuie. Ouais. Et l'avantage, c'est que quand t'essuies, tu fais excuse-moi, faut que tu la refasses, celle-là elle est pas propre. C'est vrai. Ça c'est cool. Ah, t'abuses. 33% des hommes détestent quand une femme le fait sur ses photos Instagram. Quand elle fait quoi, Isabelle ? Bah, des grimaces. Des grimaces, non. Ouais. Prendre la photo, mais trop de haut. Non, c'est pas ça. Alors, grimace, c'est pas complètement... Disons que c'est un truc avec la tête, quoi. Ah, ouais. Tirer la langue ? Ah, c'est pas tirer la langue. La bouche en cul de poule, là. La bouche en cul de poule. Ah ouais, bah, faut arrêter, quoi. 33% des hommes détestent quand une femme le fait sur ses photos Instagram, la bouche en cul de poule. Mmh. Pourquoi tu dis enfin, Isa ? Bah, ça peut être marrant de jouer un peu les stars, comme ça, une fois par-ci, par-là. Alors, attends, faire la bouche photos. En cul de poule, pour toi, c'est faire la star ? Ouais. À quel moment ? Alors, voilà. Alors, je te demande, là, est-ce que tu peux aller sur n'importe ouais. Quel site, tu ouais. Trouves une star ouais. Qui fait la bouche en cul de poule ? Mais sans aucun problème. Moi, je te la trouve direct. Ok, mais vas-y. Bah, Nabila. Non mais une star, une star. C'est une star. Hein. Non mais attends, là tu prends Nabila quoi. Ouais. Bah, elle a plus de fois. Non mais moi je te parle d'Angelina Jolie quoi. C'est pas impossible. Fais-moi Penelope Cruz en bouche à cul de poule. Okay. Non mais toi, pourquoi ouais. Vous faites la bouche en cul de poule? Si vraiment ça nous fait plaisir, on va vraiment prendre une poule et on regarde son cul. Mais voilà quoi. Dernier sondage du matin, 21% des personnes infidèles disent en avoir une. Avoir une quoi, Glandu? Une excuse déjà préparée. Non. C'est pas ce que tu crois, c'est ma psy. C'est pas ça, Isabelle ? Une coach de vie. Une coach de vie non ouais. Plus. Une amie qui le couvre ? Non. C'est un objet ou pas du tout ? C'est un objet, tout petit. Une fausse carte d'identité ? Oh. Non, il y a le mot carte dedans. Une deuxième carte bleue. Non, c'est une deuxième carte SIM. Oh non. Oh, ah bah, c'est oui. Dégoûtant. 21% des personnes infidèles ouais. Disent avoir une seconde carte SIM. Ah, pas bien. Pas bah, bien. Attends, c'est bon, c'est pas plus dégoûtant qu'avoir une deuxième carte bleue. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je t'en rappelle que c'est toi qui as fait la proposition. Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I can't. It isn't in my blood.

Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh ben ils ont élu Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur lidl.fr. Imaginez un canapé de rêve, avec des tissus de rêve, des lignes de rêve et des finitions de rêve. Imaginez qu'il puisse se convertir en un lit de rêve, avec un matelas de rêve pour y faire de beaux rêves et à prix de rêve. Eh bien, vous ne rêvez pas! Chez Poltron et Sofa, une nouvelle collection de canapés convertibles est à moins 60%. Et tous nos autres canapés lits sont aussi à prix de rêve. Profitez-en vite! C'est uniquement jusqu'à demain! Poltron et Sofa, les artisans de la qualité. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Allez, bon courage, je suis bossé ce matin. Le meilleur de Manu dans le 6-9 qui continue juste après les infos sur Énergie, les 7h01. Toute l'actu avec Morgane Deria. Et salut Morgane. Salut Anto, salut à tous. Il fait plutôt doux, mais pas totalement beau. Ce matin, on a une grosse couche nuageuse du Grand Est aux Alpes-Maritimes. On attend même des averses au fil de la journée. Ailleurs, le soleil est plus timide, mais il est là entre les plaques de grisaille. On retrouvera quelques points de ciel bleu entre la Bretagne et la région centre. Il fait 3 ce matin à Quimper, 4 à Paris, jusqu'à 11 à Colmar cet après-midi, 13 à Limoges. C'est un nouveau record, mais pas de ceux qui font plaisir. En octobre, il est tombé 70% de la pluviométrie annuelle dans le Var. Le département a encore été frappé par d'énormes orages ces 36 dernières heures. Il est tombé l'équivalent de 51 jours de pluie. Pas de balade sur les plages pour profiter des vacances. Plusieurs zones dans les Bouches-du-Rhône sont interdites d'accès. D'importantes quantités de boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur le littoral autour des Calanques de Marseille. Une nouvelle vague de pollution due à la collision de deux navires au large de la Corse début octobre. La manif a été suivie dans le monde entier, de Singapour à New York, en passant par Dublin et Londres. Plusieurs milliers d'employés de Google ont arrêté de travailler hier. Une action pour dénoncer la gestion du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. C'est le premier mouvement social d'une telle ampleur pour le géant d'Internet. Il risque la peine de mort, mais a plaidé non coupable. Aux États-Unis, Robert Bowers, l'auteur de la tuerie de Pittsburgh, a destiné ses premiers mots à sa défense hier. À 44 chefs d'accusation pèsent contre lui. Il est accusé d'avoir ouvert le feu et tué 11 personnes dans une synagogue samedi dernier. Les crampons, ça ne lui réussit pas aussi bien que les pistes d'athlétisme. Usain Bolt ne sera pas footballeur professionnel. Le club australien des Central Coast Mariners a annoncé dans un communiqué hier mettre fin à sa période d'essai avec effet immédiat. Directement qualifié pour les quarts de finale, Roger Federer s'est imposé hier pour son premier match du Masters 1000. Cela faisait 3 ans que le public parisien attendait de revoir jouer le Suisse. Il affronte ce soir le japonais Kei Nishikori. Et puis en tennis, toujours, l'équipe de France est au complet pour la Coupe Davis. Yannick Noah a dévoilé sa présélection pour la finale fin novembre. Le capitaine a préféré laisser Gilles Simon de côté et miser sur Joe Wilfried Tsonga. Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert devraient aussi faire partie de l'effectif. Et puis un dernier test avant le déplacement à Naples. Le PSG reçoit son dauphin Lille ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Le compte à rebours est lancé. Les Energy DJ Awards, ce sera mercredi. Ce sera dans le cadre du mix à Monaco. Comme chaque année, la cérémonie va récompenser les meilleurs DJ de l'année. Le Britannique Jonas Blue a confirmé sa présence. Vous pourrez suivre l'événement et ses coulisses sur les réseaux d'Energy. Très bon réveil sur Energy. Tout de suite, le retour du best-of de Manu dans le 6-9. On est vendredi aujourd'hui, le 2 novembre. Bon réveil, soyez les bienvenus. Je m'appelle Anto et c'est le best-of qui continue. Le meilleur de Manu dans le 6-9 avant son retour dès lundi. Encore 3 grasses maths pour Manu et ses moins-moins. D'ici là, beaucoup de choses arrivent. Georges, notamment l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. L'appel automatique de Georges qui se prépare. On va écouter Dinoro et juste avant, comme chaque matin à 7h05, Manu sort le carnet de chèques. Il double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Energie.fr, Manu dans le 69.com ou en utilisant l'application Manu dans le 69. Ça marche aussi, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. C'est ce qu'a fait Maeva. Elle habite Toulouse, elle a 30 ans et elle touche 1687 euros chaque mois. Maeva de Toulouse, nous t'appelons maintenant. Toulouse, la ville rose. Mais je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça. Nous allons le savoir dans un instant. Grâce à Maeva. Allô? Allô, c'est Maeva? Oui. Bonjour, ici le comité de recherche de la ville de Toulouse. Savez-vous pourquoi nous appelons la ville de Toulouse la ville rose? Non, je ne vois pas. Ah, bon, on va pas nous aider alors. Autre question, Maeva, quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Absolument. Et Maeva, je t'annonce que je vais doubler ton salaire, 1687 euros x 2, ça va faire 3374 euros pour toi. Trop bien, merci. Oui, trop bien. Maeva, j'ai l'impression que tu n'oses pas crier parce qu'il y a quelqu'un qui dort à côté de toi ou... Pas du tout, je suis trop émue. Ah, d'accord, tout va bien. Alors, excusez-moi, avant de parler de ton métier, Maeva, la ville rose Toulouse, pourquoi on appelle Toulouse la ville rose? Moi, je crois, mais je suis pas sûr, c'est parce qu'il y a du granit rose, la pierre rose. Et du coup, on a passé ouais, la ville rose, quoi, avec le soleil. Oh, je suis déçu. Ouais. C'est le soleil qui reflète dessus, ça fait magnifique. Ouais. Il faut venir voir. Vous savez quand on fait c'est qu'on a rien à dire. Ouais, je suis désolée. Maeva, 3374 euros. On te double ton salaire. Écoutez, c'est un beau métier. Éducatrice de chien guide d'aveugle. C'est-à-dire qu'un chien, tu vas lui apprendre à aider un aveugle, une personne non-voyante, et ensuite tu le donnes à un aveugle, en fait, c'est ça? Exactement. Je vais lui apprendre à éviter tous les obstacles pour que la personne aveugle puisse se déplacer en toute sécurité et puis être en sécurité et autonome au quotidien. Waouh! Mais alors, est-ce que un chien aveugle sait que la personne qui l'aide est aveugle? Non, il n'a pas forcément cette notion-là. Ah, mais alors comment ça se fait qu'il... Donc il l'aide pas... Non, et pourquoi ils l'aident en fait? Avec un harnais. En fait, ils ont un harnais qui communique entre eux. Non, mais je comprends, mais le chien, il a conscience de quoi, en fait, quand il aide la personne? Le chien, il a conscience de tous les obstacles. Et que tous les obstacles, il faut les éviter. Il faut s'allumer au travers. Et c'est de ça qu'il a conscience. Et c'est vraiment son rôle, c'est éviter tous ces obstacles. Ah merde, je suis un peu déçu du coup. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que je croyais que le chien, je me disais qu'il sait qu'il est en train d'aider quelqu'un. Donc c'est bien. Mais tout le monde pense ça. Tout le monde, quand on voit un chien aveugle, oh, ce chien, il est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont incroyables. Mais les animaux, ils n'ont pas la même empathie que nous. C'est-à-dire que quand ils nous voient, par exemple, tomber, ils ne se disent pas, oh, le pauvre, il est tombé. Ils disent, je ne vais pas manger ce soir. Quoi. Je sais, j'avais un chat à un moment. Je tombais par terre, le chat, soit il me faisait un bras d'honneur, soit il se disait, tiens, je vais peut-être le manger. Je sais qu'ils n'ont pas la même empathie que nous. Ça y est, je suis énervé. Ça y est. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a pas de chat d'aveugle. Hein. Ouais, c'est sûr. Maeva, on te double ton salaire. 3374 euros, ça arrive très vite pour toi. Oh, vous êtes merveilleux. Merci infiniment, vous êtes au top. Génial. Écoute, je prends tout ça. Hein. Manu dans le 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. In my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. In my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had.

je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Bon, et clairement, ce matin, la France se divise en deux. La team week-end prolongé et la team qui bosse. Dans tous les cas, bon réveil. Dans la suite du meilleur de Manu dans le 6-9, il sera question de la maman d'un membre de l'équipe. Peut-être une future ouin-ouin. Avant ça, il y aura Kaiser Panda. Et puis là, je l'avais promis, voici l'appel de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. C'est parti, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France qui appelle parfois des gens pour leur dire que c'est pas très bien dans leur vie. Oh, il exagère. Alors, on commence à recevoir des messages sur l'application Manu dans le système, des messages vocaux où vous nous demandez d'appeler des gens. C'est ce qui s'est passé là. Nous allons appeler quelqu'un, on nous a donné son numéro de téléphone parce que, on ne citera aucun nom bien entendu, tout cela reste anonyme, on nous a dit en fait qu'il ne foutait rien, qu'il glandait beaucoup. Ouais. Du coup, on s'est dit, ben, Georges va l'appeler pour lui dire. Apparemment, ça a bien fonctionné. Allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Oui ? Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir, vous glandez trop. De quoi ? Vous avez un baobab dans la main. Ouais, mais bon, je crois que là, la personne qui glande, là, je crois que c'est toi, hein. C'est toi qui a rien à faire avec les gens. Arrêtez de traîner en slip à la maison. Bah, écoute-moi bien, là, tu as vu, je suis au travail, il me rend pas fou, allez, vas-y, raccroche. Si remettre tout au lendemain était une ville, vous en seriez le maire. Tu as fumé quoi ? Tu as fumé un arbre, toi ? Arrêtez de tout remettre au lendemain. Ah ouais, d'accord. Bon, vas-y, si tu as le temps de t'amuser, moi, j'ai pas le temps de m'amuser. Que dirait Pascal, le grand frère ? Appelle-moi-le, Pascal, le grand frère, appelle-moi-le. Bonjour, c'est Pascal, le grand frère. Va faire peut-être voir tout de suite. C'est des menaces que tu me fais, mais viens toi et le ta grand-mère, et je l'arrache la tête. Mais tu touches pas la grand-mère. Oh là là, c'est juste que tu glandes trop. Faut pas, c'est pas grave. C'est... L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga. Así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú dos ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me flauco como Yandel. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá para rumbear y Boca para danzar. No llego todos a Pitura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper. Arriba, siente el ritmo, mamita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta y Venezuela que lo muevan. Que lo que. Un, dos, tres, go. Il est 7h22 sur Énergie, c'est le dernier best-of de Manu dans le 6-9 avant son retour lundi matin. Et pour la suite, on va parler de nos plus belles médailles, nos plus grandes fiertés, des trucs qu'on a déjà gagnés comme le cross du collège, le concours de pétanque au camping cet été. On en parle avec Manu et toute l'équipe, juste après Vita et Slimane, et puis la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. Comment puis-je oublier Manu et ses ouin-ouin. Tous les matins sur Énergie. Tout de suite, je vous ai promis un grand moment de radio. Ouais. J'espère ne pas m'engager. Non, grand moment de radio, nous allons le vivre maintenant tous ensemble en direct, grâce à Glandu et grâce à sa maman. Ouais. Je te laisse annoncer Glandu. Bah, dans la série, je bosse à la radio et du coup, on me demande de faire passer des messages. Là, je suis obligé, mais c'est ma maman qui m'a envoyé un texto hier soir. Quand ta maman te demande quelque chose, t'es obligé de le faire. T'es obligé. Bah, oui. En plus, trop mignon son texto. Elle dit mon bibi, j'ai besoin de toi pour remplir la salle pour notre opérette Les Mousquetaires au couvent. On a peut-être une annonce dans Télématin, mais ce n'est pas sûr. Peux-tu faire quelque chose? Ça va être pro et très drôle. Oh. Il faut savoir que la maman de Glandu, elle a fait du théâtre en amateur. Hein, ouais, elle a fait du théâtre et maintenant elle fait une opérette. Elle fait de l'opérette, oui. Absolument, parce qu'elle chante aussi. Ouais, ouais. Wow. C'est des beaux spectacles. Non, mais vraiment, en plus, c'est des beaux spectacles soignés. Oh, c'est des beaux spectacles parce que c'est ta maman. Mais... non, c'est comme les parents qui voient le spectacle de leur enfant. C'est pro. Non, mais je ne connais personne qui se dit tiens, ce week-end, je vais aller voir un spectacle de maternelle. Non, tu vois. Non, tu y vas parce que c'est ton enfant. Voilà. C'est pareil avec ta maman et l'opérette. Non. Je propose que nous appelions ta maman pour parler de ce spectacle d'opérette. Ah si, oui, si tu veux. Ah ouais. Si vous ne connaissez pas le prénom de la maman de Glandu, pour vous donner un peu le style de personne que c'est, elle s'appelle Marie-Caroline. C'est chic. Allez, on appelle Marie-Caroline, la maman de Glandu, qui a demandé à son fils de faire de la pub pour son opérette à Énergie. Et ce qui est drôle, c'est le plus drôle, c'est qu'elle s'est dit que effectivement, il y aurait des gens qui seraient intéressés par l'opérette. Ouais, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont intéressés pour y aller. Mais pourquoi pas? Ouais, elle espère. Attention, Marie-Caroline. Ah, ça décroche. Allô. Marie-Caroline? Oui. Marie-Caroline, c'est Manu, oui. Vous savez, le monsieur qui travaille avec Glandu. Ah bah, Manu, Valentin, oui. Je sais que vous ne l'appelez pas Glandu, hein, évidemment, dans la vie. Alors, oui, bonjour Manu, bonjour. Je me permets de vous appeler Marie-Caroline, parce que Glandu, Valentin, votre fils aimé et chéri, nous a fait part de votre petite requête. Parce que vous lui avez demandé de faire une petite pub discrète dans l'émission pour votre opérette. Oh bah mon bibi, oui c'est vrai, parce que comme la première est ce soir, on voudrait bien que ce soit plein, donc c'est vrai qu'il y a déjà du monde, mais je lui ai dit ça hier, si tu pouvais faire un petit coup de pouce quoi. Mais Marie-Caroline, on ne peut rien refuser à sa maman, vous ah le savez. Ouais, bah oui. Bah ça c'est vraiment trop fort, franchement. Alors ça s'appelle Divine Opéra, voilà. D'accord. Et la première est ce soir, au Théâtre Saint-Léon, dans le 15e, j'en profite puisque... Ah bah, bien sûr. Pour vous donner les infos. Bien sûr, dans le 15e arrondissement. À Paris, au théâtre Saint-Léon. Comment s'appelle la pièce? Ah, Les Mousquetaires au couvent. Les Mousquetaires au couvent. Les Mousquetaires au couvent. Honnêtement, on a l'impression que c'est un peu comme la 7e compagnie. Hein. Les Mousquetaires au couvent. Mais avant, il y avait les gens des chiffres et lettres. Je ne sais pas s'ils sont toujours dans la troupe. Ariel et Bertrand, ouais. Ariel Pratt et Bertrand Renard. Ben non, pour le moment, ils ne sont pas dans cette opérette. Ah, c'est bien dommage, mais... ok. C'est bien, ça aurait été sympa. Ouais, bah oui. Ah oui, le monsieur des chiffres à l'opéra. Ouais, ouais. Mais vous chantez de l'opéra, vraiment? Non, c'est de l'opérette. D'accord. Alors, on a Marie de Noyel qui chante à l'opéra. Ouais, d'accord, Marie-Caroline, le plus simple, est-ce que ce ne serait pas de nous donner envie de venir à cette opérette et de nous faire un petit extrait au téléphone? Non. Peut-être vous fredonner un... Je vais vous fredonner, hein. je suis pas en pleine forme de ma voix. Non, bien évidemment, Marie-Caroline. Alors donc, oui, un petit thème qui est pris dans la, qui est pris puis qui est faut chanter final. Maintenant, Marie-Caroline, faut chanter. Dans le village, on dansera gaiement sous le grand chêne. Le vin de Vouvray moussera dans la chutaille pleine. Oh, viens boire et danser à perdre haleine. Oh, viens. Et pour qui s'en lâchera sous le vieux chêne, on dansera le vin. Et toi, ta mère, elle fait quoi? Elle chante à la radio. Bravo, maman! Bravo! Bravo. Oh bah non, je vous assure, ça doit pas être fort. Si c'est parce que ça donne à la radio, ça doit pas être brillant. Mais c'est excellent, Marie-Caroline. Si, si. Et vous savez quoi, vous avez gagné votre pub. Ah ouais. La troupe Divine Opéra sera ce soir au théâtre Saint-Léon. Et ce week-end. Et ce week-end. Oh, oh, mais oui, c'était pas prévu, mais ça cartonne tellement que... Ce week-end au théâtre Saint-Léon, dans le 15e arrondissement à Paris, vous avez envie de voir de l'opérette. Ah ouais. En plus, Marie-Caroline dans une tenue très sexy. Hein, c'est vrai. Bah, je joue une mère supérieure. Alors, une mère supérieure un peu spéciale qui n'a plus d'autorité. J'en perds ma cornette, je danse le rock. Enfin bref. J'en perds ma cornette. Il faut savoir que Marie-Caroline a arrêté de vivre au 18e siècle. Écoutez, merci beaucoup. On arrête de vous ennuyer. Merci beaucoup Marie-Caroline d'avoir chanté pour nous ce matin. Merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment, vraiment gentil de m'avoir appelé. Merci Manu, merci Si avec ça, il n'y a pas 2000 personnes ce soir. Ah ouais, voilà. C'est le carton plein là. Ah, allez, oui. Alors, Théâtre Saint-Léon, vous savez quoi, je suis à deux doigts d'y aller, mais quand même non. Alors on serait très content, vous invite. Je peux pas, j'ai une course du LM. on vous embrasse fort Marie-Caroline. Merci, merci, bonne journée à tous. Gros bisous, j'adore ta mère. Allez, Bienvenue sur Énergie. C'est le week-end, aujourd'hui c'est vendredi. C'est Manu dans le 6-9. Et c'est le best-of qui se poursuit. Manu, vous appelez chaque matin au 0870 42 48 et notamment dans la suite du best-of pour parler de nos plus belles victoires, des médailles, des coupes qu'on a déjà gagnées, comme le cross du collège par exemple. Alors oui, c'est pas une coupe du monde qui ramène deux étoiles, mais c'est tout comme le jeu des 5 mots comme chaque matin à 7h40, le duo Vita et Slimane et les infos sur Énergie à 7h30. À tout de suite. Leur destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Riffix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Energy Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, des nouvelles de Lidl ? Ah, elle est toute fraîche, hein ? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus ? Plus ? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15€ d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah ben, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Conforama, le confort pour tous. Le grand déstockage Conforama, c'est encore jusqu'au 12 novembre. Avec des remises jusqu'à moins 50% sur une grande sélection de produits. Moins 50%? Ce serait dommage de passer à côté, non? Conforama, conditions en magasin et sur conforama.fr. Aya Nakamura présente son nouvel album Nakamura. Dja Dja et Copine, déjà deux tubes sur le nouvel album d'Aya Nakamura. À écouter sur Spotify. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it music only. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos terroirs. Jusqu'au 10 novembre, le pur jus de pomme trouble d'Alsace est à seulement 99 centimes d'euros la bouteille d'un litre au lieu de 1,99€, soit 50% de réduction. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ? 10 Plus forfait Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix ! 10€ par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis ! Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10€ par mois pendant un an, puis 25€. Rendez-vous en magasin SFR. Aye, aye. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Les journées exceptionnelles à la Grande Récré, des promos tous les jours. Du 1er au 4 novembre, bénéficiez d'une remise de moins 25% des 50€ d'achat. Oui, moins 25% à partir de 50€ d'achat. La Grande Récré. Hors livres, jeux vidéo, tablettes et cartes cadeaux. Offre non cumulable, liste des magasins participants sur lagranderécré.fr. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Et c'est le best-of qui continue avant son retour lundi matin. Le meilleur de Manu dans le 6-9. Après les infos sur Énergie, il est un peu plus de 7h30. Toute l'actu avec Morgane Derrien. Salut Morgane. Salut Anto, salut à tous. Un petit peu de soleil, mais pas trop non plus. Le programme est agréable côté ciel dans l'ensemble ce matin. On a le droit à de belles éclaircies de la pointe bretonne à l'Auvergne. Et en revanche, le ciel est un petit peu bouché de la Bourgogne à la Côte d'Azur. Avec en prime des averses cet après-midi notamment. Il fait 1 clairement ce matin, 6 à Toulouse, jusque 12 à Paris cet après-midi, 14 à Nantes. Être éco-responsable, ce n'est pas qu'au supermarché ou à la maison, ça se passe aussi à la fac. Près de 20 000 étudiants de grandes écoles ont signé un manifeste, un texte pour signifier qu'ils refusent de travailler pour des entreprises qui polluent. De nombreux élèves de HEC, Polytechnique ou encore Sciences Po ont notamment rejoint le mouvement. La crise économique, c'est aussi dans la tirelire que ça se passe. Selon une étude, en France, les parents donnent en moyenne 7,83 € d'argent de poche par semaine à leurs enfants. C'est quasiment 4 € de moins qu'il y a 4 ans. Dans l'actu aussi, la manif a été suivie dans le monde entier, de Singapour à New York, en passant par Dublin et Londres. Plusieurs milliers d'employés de Google ont arrêté de travailler hier. Une action pour dénoncer la gestion du harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. C'est le premier mouvement social d'une telle ampleur pour le géant d'Internet. Et puis un petit mot de tennis aussi avec le Masters 1000. Après 3 ans d'absence, Roger Federer signe un retour gagnant sur le court de Paris-Bercy. Il s'est imposé hier face à Fognini et a décroché sa qualification pour les quarts de finale. Le Suisse numéro 3 mondial affronte ce soir Kei Nishikori. Un tour par le Parc des Princes également avec le début de la 12e journée de Ligue 1 ce soir. Paris affronte Lille, son dauphin au classement à 20h45. Et ce, avant la grande échéance de mardi puisque le PSG se déplace à Naples en Ligue des Champions. Il a un petit quelque chose de James Bond et d'OSS 117. Vincent Elbaz est à l'affiche dans Liberté au ciné depuis mercredi. Une comédie assez barrée où il incarne un flic ripou prêt à balancer des innocents en prison pour sa propre gloire. Il se taille aussi une réputation de héros sans peur avec des scènes dignes de Mission Impossible. Bien sûr, on tourne les scènes d'action. Voilà, moi j'ai sauté dans le vide. Ils m'ont accroché un câble quand même. Donc voilà. Il faut reconnaître que c'était un sacré saut. C'était du 9e étage d'un immeuble avec un câble qu'ils appellent un roll-up, je crois. C'est-à-dire c'est un câble qui ne vous retient pas. Donc vous êtes accroché, mais quand vous sautez, le câble se déroule complètement sans frein en fait. Donc ça donne une vraie sensation de saut dans le vide en fait. Vous n'êtes pas retenu. Ce câble, il se déroule complètement jusqu'au bout. Et c'est une équipe de cascadeurs qui vous retient en fait, c'est à la main. Une interview signée Bertrand L'Aiguillon en Liberté avec également Pio Marmaï, Audrey Tautou et Adèle Haenel au casting. Bon réveil sur Énergie. Après Halloween, des heures de jeux vidéo et sans doute quelques raclettes. Lundi matin, il sera de retour avec toute l'équipe. Retour de Manu dans le 6-9. D'ici là, le week-end arrive. Ça, c'est pour ceux qui bossent ce matin. Si c'est week-end prolongé, allez-y tranquille, là, au chaud sous la couette avec le meilleur de Manu dans le 6-9. Il y a le jeu des 5 mots qui arrive. Comme chaque matin à 7h40, le meilleur jeu radio du monde. Et c'est Isabelle qui s'y colle aujourd'hui. Vita Slimane pour les hits. Et juste avant, voici la suite de ce best-of. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Allez, Manu sur Énergie. Il y a des gens qui ont la Légion d'honneur et d'autres qui gagnent juste une médaille au cross de quatrième. Ouais. Bah oui. Mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une médaille. L'important, ouais, c'est d'avoir une coupe. Ouais. Et avant de s'écouter, Jane, 0-870-42-48, je vous ai demandé de nous appeler pour nous dire quelle coupe, quelle médaille vous avez chez vous, même la plus pourrie du monde. Ouais. Amandine, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie, Amandine. Tu es fière parce que tu as une médaille ou tu as une coupe. Qu'est-ce que c'est donc que t'as ? Eh ben, je suis championne Rhône-Alpes et championne de France de twirling bâton. Ouh ! Ah ! Le twirling bâton, c'est comme les majorettes qui lancent le bâton en l'air, c'est ça ? Ah. Ouais, pas tout à fait quand même, hein. C'est plus complexe, hein. Ah, c'est le truc un peu comme la GRS. Et la GRS, avec le ruban, bah là, elles ont un bâton, quoi. C'est ça ? C'est la gymnastique. Exactement. Et t'es championne Rhône-Alpes ? Oui. C'est classe. Et t'as pas fait championnat t'es pas championne de France ? Si, bien sûr. Ah, t'es championne de France! C'est énorme! Ouf. T'es championne de France de lancer de bâton! Waouh! Et ben, c'est impressionnant! Parce que non, mais moi, c'est-à-dire que si par exemple on se balade tous les deux dans la forêt et que je lance un bâton. Oh non! Tu peux aller le récupérer plus vite que mon chien! Ou peut-être pas quand même! Et moi, je rêvais de faire ça quand j'étais ado, pour les tenues en fait. Je trouve que les tenues sont trop classe, mais après le sport. Les tenues trop classe de twirling bâton? Mais elles ont, il y a des petites jupes trop c'est mignonnes. C'est les justes corps, là, trop jolies. Ah, en vrai, c'est les justes corps avec les paillettes. Oh, c'est un peu comme avec le patinage artistique, non? C'est un peu exactement. Ouais, oui, mais le patinage artistique, je suis pas fan des tenues, moi. C'est ah bon? Ouais, je sais pas. Et t'as des couettes? Ou elles ont des couettes? Non, on a des chignons. Ah, des chignons, ah, je suis déçu. C'est ta médaille, c'est ta coupe. Ah, tu as été championne de France de twirling bâton, Amandine. Wow. Bravo. Bravo à toi, je te remets la médaille des Ouin-Ouin. Ouais. Je t'embrasse très fort, Amandine. Belle journée à toi. Alexis, bonjour. Oui, salut Manu, salut les Ouin-Ouin. Alexis, tu as reçu une médaille, une vraie médaille. Ouais, une vraie belle médaille. Alors pourquoi? Alors en fait, j'ai reçu une médaille pour acte de courage et dévouement de la part du préfet de police. Parce que bah, j'ai poursuivi un braqueur d'une bijouterie, j'ai coursé, on s'est rattrapé, il m'a bien mis sur la tronche, et en fait, bah, il a été retrouvé grâce à l'ADN laissé sur ma chemise. Wow. Oh la vache, voilà. Ah ouais. Comme dans les experts. Putain, c'est ouf, c'est génial. Mais comment ça se fait que tu l'as... T'as pas eu peur? Sur le coup, je t'avoue, j'ai pas pensé à ça. Si, juste au premier virage, j'ai eu peur, mais après, j'ai fait, bah, y a personne, je continue. Mais moi, au premier virage, j'ai peur, je pars dans l'autre sens, en fait. Ouais. Mais non, mais on sait tous, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je me suis toujours demandé si un truc comme ça m'arrivait, comment je réagis. Bah oui. Qu'est-ce que je fais? Moi aussi, maintenant, je sais. Waouh. Non, mais tu cours, mais pas à fond, quoi. Tu laisses te distancer un peu, quoi. Tu dis à tout le monde, je vais essayer de le rattraper. Mais t'y vas pas. T'y vas doucement. Mais au lieu de te battre, t'aurais pu lui arracher un cheveu juste et partir en courant derrière. Bien sûr. J'étais en lui disant. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Arrête-toi, je te prends un cheveu. Ouais, en disant, je m'en fous, j'ai ton ADN. Ah oui, ça évite de s'en prendre dans la gueule, hein, en même temps. Ouais. Bravo à toi, Alexis, wow. Tu as mérité, toi aussi. La médaille des Ouin-Ouin. Ouais. Merci. Bravo à toi. Waouh. Fanny, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Sur Énergie, Fanny. Toi aussi, tu as une médaille. Oui, une belle médaille. Rien à voir avec mes collègues, mais j'en suis fière quand même. Donc moi, ça s'est passé à l'enterrement de vie de jeune fille de ma meilleure amie. Donc elle a distribué des titres et des médailles à tous les invités et j'ai eu la médaille de Madame Pipi. Parce que je vais tout le temps aux toilettes en soirée, et plus je rigole et plus je bois, plus je vais aux toilettes. Ah ouais. La médaille de Madame Pipi. Ouais. Fanny, t'es en c'est couple ça. Est-ce que t'es en couple? Oui, je suis en couple. D'accord, oui. Ça va, parce que je t'aurais dit au premier rendez-vous, le dis pas. Ah bah oui, c'est sûr. C'est bien. Merci de nous avoir appelé, Fanny. On va pas rester longtemps au téléphone avec toi, parce que j'imagine que tu dois aller faire pipi. Mais ça va. On t'embrasse, belle journée à toi, Fanny. Merci. Manu dans le 6-9. Demain, c'est samedi et moi je reste au lit. Yes! N-R-J! Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre. Rien à gagner. Je n'ai plus de peine. Plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne. mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Allez, debout tout le monde, bon réveil, 7h43 sur Énergie et dans la suite du meilleur de Manu dans le 6-9, on ouvrira le grand livre des lois de la vie qui est un peu notre référence, notre constitution. Manu le sort de temps en temps et ce sera le cas dans quelques minutes, avant ça il y aura Drake et puis là comme chaque matin à 7h40, voici le jeu des 5 mots. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9 sur Énergie, Manu et ses ouin ouin. Énergie. C'est le jeu des 5 mots comme chaque matin et Nathan, quelle est la console de jeu de tes rêves? La Switch. La Switch, elle est peut-être pour toi dans une minute. La Nintendo Switch, Nathan, si tu gagnes au jeu les 5 mots. Et attention, ouais, pour te faire gagner, pour tout donner pour toi, c'est Isabelle. Allez, qui va sortir du studio maintenant. Nathan, ouais, super Isabelle, allez Isabelle. Je te rappelle les règles. Attention, Isabelle fait le tour du studio, elle s'en va, elle ferme la porte. Elle est dans le couloir, elle n'entend plus ce qui se passe. Nathan, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, je fais revenir Isabelle. Ouais. Je fais pareil avec elle. Et si vous avez un mot en commun, il suffit d'un seul sur 5. C'est gagné à toi la Nintendo Switch. Nathan. Super. Es-tu concentré? Je suis très concentré. C'est parti. Allez. On joue au jeu des 5 mots. Marinade. Marinade. Tomate. Os. Squelette. Revenir. Partir. Démarrer. Arrêtez. Drapeau. France. Ouais. On est pas mal. Ouais. Attends, honnêtement, là, vraiment, non. Ah, c'est cool. Là, franchement, il y a moyen. C'est logique. Tout en décontraction, posé, tranquille, ouais, on est bien. Ouais, on y croit. Isabelle est de retour. Je vous rappelle qu'Isabelle est avec nous depuis un mois. Hein, oui, coucou. Ouais. Et qu'elle commence simplement à maîtriser les questions et les concepts. Merci Manu, tu me présentes bien. Veux-tu vraiment qu'on réécoute le dernier jeu des 5 mots auquel tu as participé? Non, on va l'oublier celui-là. Nathan, un mot pour Isabelle avant qu'elle démarre? Tu peux le faire, on va y arriver, je suis sûr. Ok Nathan, je suis à fond. C'est ouais, parti, super. Pour la Nintendo Switch de Nathan, Isabelle. Marinade. Viande. Nathan avait dit tomate. Ouais. C'est rare qu'on fasse une marinade à la viande. J'ai paniqué sur la marinade, mais je me reprends tout de suite. Il reste 4 mots. Os. Chien. Oh là là. Nathan avait dit squelette. Ah merde. Ouais. C'est pas grave. Il reste 3 mots, Isabelle. Revenir. Partir. Oui, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, je me sens mieux, magnifique. Et tu sais quoi, la vérité, nous aussi. Hein. Oui, partir, revenir. Super, ah, là, là, là. Merci. Il restait 2 mots. Démarrer. Voiture. Il avait dit arrêter, Nathan. Et le dernier, drapeau. Français. Ah non. Ah, dommage, j'avais bien commencé. Il avait dit France. Ah c'est ouais, pas le même mot, il faut le même mot précisément. Mais de toute manière, on s'en fout, il suffit d'un mot comme pour gagner. Génial. Et c'est fait, Nathan, bravo. Merci à toi. Merci à toi. Tu repars avec la Nintendo Switch, Nathan. Super, merci à vous. Manu. Manu et les wa. 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Still the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options, cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code, code to the safe. Safe. I show them how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your net worth? Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for y'all, down for y'all, down for y'all always. I got a new boy and a nigga Trey. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for y'all always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I'm. Et si vous kiffez Drake, continuez de le soutenir pour les Energy Music Awards. Il est nommé dans 3 catégories. Vous votez sur energy.fr et pour que ce clic soit rentable, et ben au passage, inscrivez-vous pour que Manu dans le 6-9 vous rappelle lundi matin. Manu qui double votre salaire tous les jours à 7h05 et 8h05. Donc energy.fr pendant le week-end, vous inscrivez. D'ici là, il y aura la Brand CI Diplo. Et juste avant, voici la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9. C'est Manu avec ses wawas dans le 6-9 sur Energy. Ils sont là tous les matins, ça fait du bien. 6h, 9h30, tous les matins sur Energy. Nous allons l'ouvrir. Ah oui. Qu'on amène le grand livre des lois de la vie. Ce livre que je tiens de mon père, qui le tenait lui-même de son père, qui le tenait lui-même de son père, qui le tenait blablabla, jusqu'à Adam et Ève, et avant ça, Michel Drucker. Alors attention. Oh, ce grand livre des lois de la vie regroupe toutes les lois de la vie, mais nous sommes autorisés à en parler. Ouais. Mmh. Ouais. Attention, je vais le soulever. Ouf, oulala. Ah. Oh, la poussière. Isabelle, donne-moi une page au hasard que je vais ouvrir dans le grand livre des lois de la vie. 3042. Page 3042. Je vous lis la loi qui est écrite. Ouais. On ne drague pas une fille déjà convoitée par l'un de ses amis. Ah bah ah. Ouais, évidemment. Oh. Nico, tu es d'accord avec cette loi? Ah ouais, pour moi on touche pas et ne fais pas aux autres que t'as pas envie qu'on le fasse, quoi. Voilà. Bien sûr. Alors moi je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Ouais. Si tu as une soirée et qu'il y a un ami qui trouve une nana jolie et que toi tu la trouves jolie, excusez-moi que le meilleur gagne. Mais non. Ah, mais... ah bah oui. Ah non, c'est le premier qui t'en a parlé. Si lui t'en a déjà parlé. Ah non, bah, tu... bah son, là, t'arrives à la soirée et avec tous tes potes tu dis alors elle, je les trouve jolies. Ah non, ça ne marche pas. Non mais convoité pour moi c'est qu'il y a eu un premier pas fait vers la fille. Et moi je pense que s'il a essayé, il a essayé, il n'y a aucune chance. Et à un moment c'est la loi de la jungle, il faut y aller quoi. Oui, mais un moment. Mais à quel moment par exemple? Est-ce que par exemple s'ils décident de se marier tous les deux, est-ce que t'as le droit d'y aller ou... Non, là elle est trop convoitée. À quel moment c'est convoité, pas convoité? Là, c'est compliqué là. C'est délicat. Ouais, ouais, ouais. Donne-moi Glandu une page au hasard que je vais ouvrir. 10618. Oh putain. Allez. Ouais. Allez. Bravo. Page 10618, loi 10618. Quand on sert de l'eau à table au restaurant, on sert d'abord tous les autres avant soi. Alors, je vais vous laisser répondre parce que j'ai une théorie là-dessus. Pour Isabelle. Moi, c'est le B.A.B.A. de la politesse, quoi. La personne qui fait pas ça, c'est la personne qui pense pas aux autres. Non, okay. Franchement, là, ça me choque. D'accord, ouais. Glandu. Moi, je suis d'accord avec ça, mais on sert un petit fond et à la soirée, on sert un grand verre. Mais non. Pour être sûr qu'il en reste pas. Si. Oh, alors, tu sers les autres. Voilà, c'est là ma théorie. C'est que quand tu prends la bouteille d'eau et que tu commences à servir tout le monde, trois quarts du temps, t'en as plus pour toi. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça injuste, c'est toi qui as fait le taf. Oui. Vous êtes combien à table? Vous êtes 30 ou quoi là? C'est bizarre votre truc. Bah non, bah ça arrive très souvent parce que la bouteille d'eau elle est pas forcément pleine. Ouais. Donc t'arrives, il y a quelqu'un qui dit tu peux m'en servir. Putain, tu le sais, tu veux que je t'en donne pour faire une réserve. Bien sûr. Non, il y a pas de réserve. Ouais, la solution elle est de pas se servir, faut attendre que quelqu'un serve et tu tends le verre. Exactement. Je peux avoir de l'eau? Et comme tu disais, fais aux autres ce que t'as pas envie qu'on fasse. Pardon. Dernière loi du grand livre des lois de la vie. Paulette, donne-moi un numéro de page. 37864. Wow. Putain, Glandu, viens m'aider. Allez. Allez. Page 37864. Voici la loi. Quand une femme n'a pas de place assise dans les transports, l'homme se lève et lui cède. Bah oui. Ah ouais. Alors là, il y a réflexion. Moi, je suis pas d'accord. Bah, tant mieux. Voilà. Mais non. On va s'écouter Calvin Harris. Non, mais ça, on veut la parité. Il faut la prendre cette parité. Gentleman. Bah oui, je vois pas pourquoi. Non, mais c'est gentleman, ok, mais c'est pas une obligation de le faire. Non, mais parité, ok, mais t'as juste un truc qui s'appelle la galanterie aussi, et ça, on va pas l'enlever parce que vous voulez la parité. Oui, mais regarde, un mec, une nana, ils ont tous les deux le même âge, ils sont tous les deux en bonne santé, tout va bien, ils sont là. Est-ce qu'il y a une raison de laisser la place ou pas? Ça m'est arrivé une fois, un mec s'est levé. J'étais hyper étonnée et il a cru que j'étais enceinte. Et en fait, j'étais hyper vexée. Ah bah voilà. C'est pour ça que je le fais pas. Parce que je ne veux vexer personne. Manu dans le 6-9. Vive le vendredi, car demain c'est samedi et moi je reste au lit. Yes! N-R-J.

pas de balade sur la plage pour profiter des vacances. Plusieurs zones dans les Bouches-du-Rhône sont interdites d'accès. D'importantes quantités de boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur le littoral autour des calanques de Marseille. Une nouvelle vague de pollution due à la collision de deux navires au large de la Corse début octobre. Lui aussi fait le pont. Emmanuel Macron profite comme beaucoup de Français d'un week-end prolongé cette fin de semaine. Le président de la République a posé ses valises à Honfleur en Normandie pour la Toussaint. Une habitude depuis plus de 20 ans qu'il tient à maintenir avant la série de commémoration du centenaire de l'armistice la semaine prochaine. Directement qualifié pour les quarts de finale, Roger Federer s'est imposé hier sur l'Italien Fognini pour son premier match du Masters 1000 à Paris-Bercy. Cela faisait 3 ans que le public parisien attendait de le revoir jouer sur ce court. Il affronte ce soir le japonais Kei Nishikori. En tennis toujours, l'équipe de France est au complet pour la Coupe Davis. Yannick Noah a dévoilé sa présélection pour la finale fin novembre. Le capitaine a préféré laisser Gilles Simon de côté et miser sur Joe Wilfried Tsonga. Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille ou encore Nicolas Mahut feront aussi partie de l'effectif. Un mot de foot aussi, coup d'envoi de la 12e journée de Ligue 1 aujourd'hui. C'est au Parc des Princes que ça va se passer avec PSG Lille à 20h45. Paris premier au classement devant le LOSC et Montpellier. À suivre demain Lyon-Bordeaux, Nice-Amiens ou encore Reims-Monaco. C'est son premier grand rôle sur petit écran. Julia Roberts débarque aujourd'hui sur Amazon Prime Video avec le thriller Homecoming. La série est inspirée d'un podcast radiophonique. Elle suit Heidi Bergman, une jeune psychologue qui travaille dans un centre spécialisé, un établissement chargé du retour à la vie civile de soldats confrontés à des syndromes post-traumatiques. Très bon réveil sur Énergie. Il est 8h03. Tout de suite, c'est le retour du best-of de Manu dans le 6-9. Bonne matinée. Non, ce n'est pas Manu, ou alors je l'imite super mal. Manu, il sera de retour dès lundi avec tous ses ouin-ouin. D'ici là, je garde la boutique. Je m'appelle Anto. Bon réveil, bon courage évidemment si vous partez bosser ce matin. Le week-end arrive. Un bon best-of qui continue. Le meilleur de Manu dans le 6-9. Les concons du jour, ça se prépare comme chaque matin à 8h10 avec une fois de plus du concon de compétition. On écoutera George Ezra, mais pour le moment, 8h05, l'heure pour Manu de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr, sur manudans69.com, aussi sur l'application qui peut servir à tout. Ouais. Bref, vous faites comme Emmanuel, qui habite Carcassonne, qui a 23 ans et qui touche 1263 euros chaque mois. Emmanuel, nous t'appelons maintenant. C'est drôle, c'est mon prénom. C'est hilarant. Oh oui, allô. T'es jaloux parce que personne s'appelle Glandu. C'est vrai. Allô. Allô, c'est Emmanuel. Oui. Emmanuel de Carcassonne. Oui, c'est moi. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Emmanuel de Carcassonne? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Oh, Manu. Oh, Manu. Ça y est, c'est fait, Emmanuel. C'est trop bien, c'est super. On va doubler ton salaire, oui, oui, tu peux en revenir, et oui, c'est vrai, oui, c'est toi, et oui, c'est ta journée. 1263 euros, c'est ton salaire, on va le doubler, ça va faire 2526 euros. Oh bordel, vous êtes trop cool, vous êtes géniaux. Eh ben écoute, si on peut faire plaisir, 2526 euros pour toi, tu es préparateur de sushis. Tout à fait. Dans un restaurant de sushis, du coup? Non, je travaille pour un stand Sushi Deli dans les Carrefours. Ok, je vois. Alors, tu sais quoi? Je vais être très honnête avec toi. Je me suis toujours demandé si les sushis que t'as dans Carrefour, par exemple, ou dans les grands supermarchés, est-ce que c'est aussi bon qu'un sushi que tu vas acheter dans un restaurant? Ah bah oui. Mais vraiment? Ça va dépendre du restaurant, mais des fois, on va être même meilleur que certains restaurants, oui. Ah ouais. Ah, classe. Et est-ce que tu sais, Emmanuel, pourquoi ça coûte une blinde, les sushis? Parce que ça coûte cher, quand même. Un très bonne raison que le poisson, vous n'aurez aucun poisson de la veille, et que le saumon c'est un poisson noble et qu'on fait tout le jour même. Ah ouais, mais putain quoi. Ah oui, parce que les sushis, il faut que ce soit vraiment super frais quoi. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, j'ai été malade une fois après avoir mangé les sushis. Oh là là. Ouais, alors tu sais quoi, je le souhaite à personne, même vraiment à mon pire ennemi. Ah ouais. Non, vraiment, pas malade au sushi. Ouais. Ah non, c'est un enfer. Mais t'avais payé une blinde avant. Ah oui, bah. D'ailleurs, quand tu manges, c'est simple, hein. Soit tu choisis de manger des sushis, soit tu deviens propriétaire d'une maison. Mais tu peux pas faire les deux. Emmanuel, on double ton salaire, 2 526 €, ça arrive très vite pour toi, bravo. C'est super. Belle journée à toi et ça peut vous arriver vous aussi. Énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69 pour vous inscrire. Manu dans le 69 sur Énergie. Manu. Et les ouah ouah ouah. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Il est 8h10 et c'est le meilleur de Manu dans le 6-9 avant son retour lundi matin. Là pour la suite, on va parler de nos meilleurs mais aussi de nos pires souvenirs de couple. Pour bien démarrer le week-end, c'est un couple justement qui avait appelé Manu au 0870 42 48. Il y aura VG Dream aussi, mais là comme chaque matin à 8h10, et ben ils sont là. Voici les concons du jour. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu et les ouah ouah ouah. Il y a pire que nous dans le monde. Alléluia, voici les concours du jour. On démarre à Paris avec un homme qui entre avec sa voiture dans un parking souterrain et se retrouve coincé dès l'entrée. Comme si l'entrée du parking n'était pas conçue pour que les véhicules y rentrent. Oula. Ouais. Ça peut paraître absurde. En fait, ça l'est pas, c'est que le mec n'était pas dans une entrée de parking, mais qu'il avait pris une bouche de métro. Oh, mais non. L'entrée d'une bouche de métro, il avait pris ça pour un parking. Ah ouais. Donc la station a été fermée le temps qu'une grue viennent, sortent le véhicule qui était engagé dans les escaliers qui ne pouvait pas faire marche arrière. Je n'avais jamais connu ça, moi. Ah non. Voilà. En attendant, il a peut-être pu faire ses courses, quoi, du coup. Oui. Et il n'a pas payé le parking. Alors non, il n'a pas payé le parking, effectivement. Mais ça ne marche pas. Alors, non. Comme ça, effectivement. Ouais, je me permets quand même de rappeler qu'on ne rentre pas dans une bouche de métro avec une voiture. Voilà. Non. Je m'adresse au chauffeur de métro, l'inverse aussi, vous ne le faites pas. Voilà. Aux États-Unis, une femme a été arrêtée pour avoir volé dans une librairie une Bible. Elle est arrêtée, les policiers lui disent « Pourquoi vous avez fait ça ?» Et elle dit cette phrase géniale « Je voulais être plus chrétienne. » Ah, ouais. Ça ne marche pas. C'est pas très pieux de faire non. ça. Hein, ah non, c'est pas pieux. Et puis il doit y avoir « Tu ne voleras pas » dans la Bible. Oui. Mais du coup, elle l'avait pas lu. Dernier concours du jour, ça se passe aux États-Unis. Une femme, il y a plusieurs années, décide de cacher ses économies chez elle. Et elle se dit « Je vais mettre mes 30 000 euros dans mon réfrigérateur. » Pourquoi elle se dit ça? Elle dit parce que les cambrioleurs, si jamais ils arrivent, n'y penseront pas. Et surtout, idée de génie, si ma maison brûle, le dernier endroit à brûler, ce sera le frigo. C'est malin. C'est pas con. Ouais. Et elle fait ça il y a quelques années. Et puis, il y a quelques mois, elle décide de changer de frigo. Et là, c'est le drame parce qu'elle oublie que dans son frigo, il y avait les 30 000 euros qu'elle avait cachés. Oh, c'est horrible. Les gens arrivent, lui installent le nouveau frigo et repartent avec l'ancien. Oh là là. Et au bout d'un moment, elle se dit, tiens, j'ai peut-être besoin d'aller prendre quelques économies. Elle ouvre son frigo, fait, mais merde, j'ai changé le frigo. Elle n'a pas trop besoin d'argent si elle oublie 30 000 euros d'économies. Hein. Moi, j'oublie pas, hein. Même quand j'ai 10 euros rangés quelque part, je m'en rappelle. Tu te rappelles que tu les avais à un moment. Oui. Revenons à notre femme. Ouais. Elle est là, elle veut ses économies, ils sont plus dans le frigo. Du coup, elle a appelé la société qui lui avait amené le frigo. Et comme par hasard, la société dit, ah non, on n'a rien trouvé. Ah, c'est dur. 30 000 euros qui sont partis. Voilà, ouais. On peut se dire qu'il y a pire que nous dans le monde, ça fait du bien. Manu dans 6-9. Je vous adore, les wawas. Energy. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. C'est Manu dans le 6-9. Ça c'est vrai, j'ai une de gagne. Casser les manches comme Samuel, M.T.T. Casser les manches comme Samuel, M.T.T. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Ramener la coupe à la maison. Vendredi matin, si vous partez bosser aujourd'hui, lendemain de jeudi férié, bah le week-end arrive avec le meilleur de Manu dans le 6-9. Et avec Manu et toute l'équipe, on va parler de ces choses que l'on a en beaucoup trop d'exemplaires. Par exemple, les piles usagées qu'on accumule parce qu'on sait jamais où les jeter. Du coup, à chaque fois, ça fait des espèces de sachets de 3 kilos. On écoutera Calvin Harris et puis la suite du best-of, maintenant en mode vie de couple. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu. Et les ouah ouah ouah. De l'amour. Ah. Cool. Charlène et Romain sont avec nous. Bonjour à vous deux. Salut Manu. Romain a 36 ans, Charlène a 28 ans et vous êtes en couple depuis 7 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est beau. Et vous êtes mariés cet été? Exactement. Oui, le 14 août. Oh, félicitations. Ouais, c'est tout mignon. Charlène se souvient de la date. Romain, la date de votre mariage, tu t'en rappelles? Je crois le 14 août aussi. Bien. Retiens bien parce que dans un an, Charlène te fera un drame si tu oublies la date. Ouais, déjà, chaque semaine, je dois avoir l'anniversaire. Donc. Voilà. Vous êtes avec nous, tous les deux. D'abord, merci, parce que vous risquez de vous engueuler dans quelques instants. Le principe est très simple. On va vous demander l'un après l'autre votre meilleur souvenir de couple. Et ensuite, votre pire souvenir de couple. Commençons soft. Charlène, quel est ton meilleur souvenir de couple avec Romain? Eh bien moi, mon meilleur souvenir de couple, ça a été notre rencontre. On s'est rencontrés lors d'une soirée déguisée. Lui, il était un touriste brésilien et moi, j'étais un hôtesse de l'air. Alors, attends-moi, c'est comment un touriste brésilien? Bah avec un sombrero, un short du Brésil, des tongs. Alors Romain et Charlène, je suis désolé de vous. Alors vraiment, je vais mettre les pieds dans le plat et de faire. Je risque de provoquer un drame. Le sombrero, c'est le Mexique. Voilà. Ouais, c'est avec ce que j'ai trouvé. Ouais, il était jaune et vert. D'accord, ok. Ouais. Très bien. Okay. Ah, voilà. Ah, bah, si c'est jaune et vert, alors. C'est Brésil. Bah, à ce moment-là, c'est quoi? Tu prends un concombre et un citron, tu les mets où tu veux, et t'es du Brésil. Hein. Oh, c'est jaune et vert. Bon, peu importe, c'est pas grave, c'est l'imaginaire. Ouais. Vous êtes déguisé, et là, tu le rencontres. Et là, je le rencontre et on accroche vachement. Et on se revoit une semaine après, en fait. Et on conclut et ça a été le début de notre relation. Oh. Ah ouais. Est-ce que quand vous êtes revus, vous étiez toujours en touriste brésilien-mexicain? Non, parce qu'au resto, ça fait bizarre quand même. Hein. D'accord. Alors en soirée aussi, hein, je te rassure. Belle histoire. Romain, quel est ton meilleur souvenir de couple avec Charlène? Moi, c'est un peu plus croustillant. C'était aussi un peu au début de notre relation. Écoute, retour d'une soirée arrosée. On n'a pas pu attendre de rentrer dans l'appartement. Écoute, on a fait un gros câlin dans le parking, dans un parking, quoi. Alors, mais attends, il y avait des gens qui pouvaient passer dans le parking? Ouais. C'est un parking qui était ouvert, ouais, tout à fait. Oh là là. Wow. Cool. Donc si tu veux, ouais, comme c'était le tout début aussi, c'est celui-là qui m'a marqué le plus. Il y en a eu d'autres, mais celui-là m'a marqué. Ah, il y en a eu d'autres. Là, depuis 10 ans, on fait plus l'amour. Romain et Charlène, passons maintenant à ce qu'on nous attendons tous, les pires moments. Ouais. Charlène, quel est ton pire moment de couple avec Romain? Le pire moment, ça a été en fait sur une soirée avec des copains. Romain racontait un de nos week-ends en amoureux. Et il donnait plein de détails. Et puis, au fur et à mesure, je lui disais que c'était pas avec moi. Et il insistait vachement sur les détails. Il disait, mais si, tu te rappelles pas. Je lui disais, c'est pas avec moi. Et au bout d'un moment, en fait, il s'est aperçu que c'était avec son ex et que c'était pas avec moi. T'imagines, t'as tes amis qui leur disent, oh, faut que je vous raconte le meilleur week-end de ma vie. C'est ça. C'était avec Charlène. On était tous les deux dans un hôtel. Non. Et il insistait. Je lui disais, mais arrête, c'est pas avec moi. Mais il dit, mais tu te rappelles pas. Voilà. Et puis, à un moment donné, il s'est mis à réfléchir et il a dit, ah bah oui, c'était pas avec toi. Voilà. Et là, il y a eu un gros blanc et tout le monde a eu trop de peine pour moi. J'étais très mal à l'aise. Oh là là. Et l'amour dans le parking, c'est bon? C'était avec toi? Ouais. Romain, quel est ton pire souvenir avec Charlène? Ouais, moi, le pire, il est un peu redondant parce que ça arrive, j'aime bien jouer à la Play le soir, tu vois, tranquillement. Oui, à la console, comme tout le monde. Voilà, exactement. Ouais. Des jeux en ligne, un jeu de foot en ligne. Et écoute, je suis hyper mauvais perdant. Et le problème, c'est que Charlène se lève tôt pour aller au travail le matin. Moi, quand je joue, c'est un peu tard et je suis mauvais perdant, donc je crie un peu, quoi. Donc je crie, je l'ai réveillé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu un peu des flammes dans ses yeux, tu vois, là. J'ai dit, oups, j'ai été peut-être un petit peu trop loin. Elle a coupé la console et j'ai eu droit un petit peu à la moue, on va dire, pendant 3-4 jours, quoi. Ouh. Et là, je me suis dit, il va falloir que je me rattrape sévère. Il était quelle heure, il était quelle heure quand tu l'avais réveillé? 2h du mat, quoi. 2h. C'est l'heure où. C'est l'heure où. Attends, excuse-moi, Charlène, t'abuses de dormir à 2h, quoi. Je lui ai dit, hein, si ça se reproduit, je prends la console et je la casse. Hein. Oh merde, Romain, une seule solution, vous descendez tout de suite dans le parking. Merci de nous avoir appelé et d'avoir partagé votre vie avec nous. Manu dans le 6-9. Heureusement, il y a Manu. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Are you drunk or now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling.

Salut Morgane. Salut Anto, salut à tous. Un peu de soleil, mais pas trop non plus. Le programme est agréable côté ciel dans l'ensemble ce matin. On a le droit à de belles éclaircies de la pointe bretonne à l'Auvergne. En revanche, le ciel est totalement bouché de la Bourgogne à la Côte d'Azur. Avec en prime deux possibles averses ce matin et cet après-midi. Il fait 1 degré à Clermont, 6 à Toulouse, jusque 12 à Paris cet après-midi, 14 à Nantes. Entre selfie et bain de foule, il tient à rassurer les Français. Emmanuel Macron va bien, il l'a répété à tour de bras hier à Honfleur. Le président de la République a choisi de s'accorder un week-end prolongé en Normandie avec sa famille. Un break avant une semaine chargée pour le chef de l'État. Il va enchaîner les rendez-vous politiques et cérémonies commémoratives pour le centenaire de l'armistice la semaine prochaine. La crise économique, c'est aussi dans la tirelire que ça se passe. Selon une étude, en France, les parents donnent en moyenne 7,83 euros d'argent de poche par semaine à leurs enfants. C'est quasiment 4 euros de moins qu'il y a 4 ans. Il risque la peine de mort, mais a plaidé non coupable. Aux États-Unis, Robert Bowers, l'auteur de la tuerie de Pittsburgh, a destiné ses premiers mots à sa défense hier. 44 chefs d'accusation pèsent contre lui. Il est accusé d'avoir ouvert le feu et tué 11 personnes dans une synagogue samedi dernier. Les crampons, ça ne lui réussit pas aussi bien que les pistes d'athlétisme. Usain Bolt ne sera pas forcément footballeur professionnel. Le club australien des Central Coast Mariners a coupé court à sa reconversion. Il a annoncé dans un communiqué mettre fin à sa période d'essai avec effet immédiat. Un dernier test avant le déplacement à Naples. Le PSG reçoit son dauphin Lille ce soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Ultime rencontre avant son match mardi en Italie pour la Ligue des Champions. Des flingues, de la baston et surtout beaucoup d'humour. En liberté, c'est la comédie française de cette fin d'année à découvrir au ciné cette semaine. Au casting, Pio Marmaille incarne un innocent condamné à tort et qui ressort de prison en véritable bandit. Il se retrouve à monter des braquages pas toujours bien préparés et surtout question équipement. Bah ouais, j'ai braqué une banque avec des gants géants, pété les vitrines, tiré sur des gens avec une tenue en simili-cuir et un zip qui descendait jusqu'aux parties intimes. C'est pas tous les jours qu'on fait une chose comme ça. Je le referai pas tout de suite parce que c'est pas évident non plus à faire. Je trouve que le truc le plus rigolo, c'est quand on est allé dans la boutique acheter la combinaison. Putain, j'ai découvert des accessoires dont je n'imaginais même pas l'existence. Ça m'a un peu glacé. Et pourtant, je suis un mec assez ouvert. Hein. Je n'ai pas une note ça sur moi. Je n'ai pas envie d'avoir ce petit bac à urine sur le front. Ça ne m'intéresse pas trop. Une interview signée Bertrand L'Aiguillon, Pio Marmaille aux côtés de Vincent Elbaz, Audrey Tautou et Adèle Haenel dans En Liberté au ciné cette semaine. Bon réveil. Retour lundi matin avec tous ces ouin-ouin, Isabelle, Paulette, Glandu, Nico Duweb. Lundi matin, retour de Manu dans le 6-9. D'ici là, on se fait plaisir jusqu'à 9h30 avec le meilleur de l'émission là pour bien démarrer le week-end. Courage évidemment à ceux qui bossent ce matin, ceux qui n'ont pas coché l'option week-end prolongé. Les sondages des jours arrivent comme chaque matin à 8h40. Big Flo et Oli en préparation, DJ Snake aussi sur Énergie. Et puis juste avant, et ben on enchaîne. Allez, la suite de ce best-of. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des ouin-ouin. Qu'est-ce qu'on a en beaucoup trop d'exemplaires chez nous? J'ai trop de pots de moutarde chez moi. Ouais. Nico a dit qu'il avait beaucoup trop de piles. Parce qu'évidemment, quand tu les enlèves et qu'elles tombent toutes, tu sais plus quelle est l'usagée et quelle est la peu usagée. C'est ça. Je pourrais rajouter les ampoules aussi. Ah ouais. Quand t'as une ampoule qui pète chez toi, tu vas dans le magasin en te disant je sais très bien ce qu'il me faut comme ampoule. Et là, il y en a tellement, tu fais merde, laquelle? Du coup, t'en achètes une, tu reviens chez toi, c'est pas la bonne. Ouais. Mais tu la ramènes pas parce que tu te dis oui, mais celle-là, elle correspond à une autre. Quand elle pètera, au moins, je l'aurai chez moi. Donc, tu retournes au magasin racheter la bonne ampoule et comme ça, tout le temps. Et après, ta chambre est remplie d'ampoules. Qu'est-ce que vous avez en trop d'exemplaires chez vous? Jeanne, bonjour. Salut Manu, salut les moins. Salut. Merci de nous appeler au 0870 42 48. Jeanne, qu'est-ce que t'as en beaucoup trop d'exemplaires chez toi? Alors moi j'ai au moins une vingtaine de plaids et j'utilise principalement que mon préféré. Alors c'est pas vraiment utile d'en avoir autant. D'en avoir autant. Ah oui. Tu parles comme dans une pub, Jeanne, c'est rigolo. Et la vraie question, c'est pourquoi t'as 20 plaids? Les plaids, on est d'accord, c'est ce qu'on met sur les canapés. Ouais, une petite couverture toute douce là. Voilà, exactement. Ouais. Mais les gens, c'est un peu faire un doigt d'honneur aux gens qui font les canapés, ça quand même. Il faut un canapé joli, pourquoi tu vas le recouvrir? Ah non, parce que plaid, ça ne te sert pas forcément qu'à le recouvrir. C'est aussi quand t'as un peu froid, tu mets le plaid par-dessus. Mais oui. C'est ça les plaids. Ah, tu parles quand t'as 60 ans. Oh non. D'accord. Mais non, tu fais une soirée film, t'invites une vingtaine d'amis. Au moins ils ont un plaid chacun, quoi. Ils sont contents, tout le monde a son plaid. Faut que tu mettes un toit chez toi quand même. Tu mettes le chauffage. Tu sais ce que t'as, t'aimes pas être cosy. Parce que c'est ça, être cosy. C'est être dans son plaid avec un petit thé et tout est bien. Avec un petit thé. Tu rajoutes un chat mort empaillé au-dessus de la cheminée. Ah ouais. Et là, vraiment, Paulette, on te voit dans 30 ans. Jeanne, merci de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Qu'est-ce que vous avez en beaucoup trop d'exemplaires chez vous, Glandu? Moi, c'est les enceintes Bluetooth. J'arrive pas à m'arrêter, j'en ai partout. J'en ai une dans la cuisine, une dans le salon, une dans la chambre, une petite dans la salle de bain et une encore plus petite dans les toilettes. Mais tu t'en sers? Ah ouais, je me sers de toutes. Ouais, ouais, j'aime bien avoir un bon son quand j'écoute. Mais c'est galère, dès que tu passes d'une pièce à l'autre, t'es obligé de débrancher, de changer, de Exactement. Alors maintenant, il y a des systèmes où tu peux avoir le même Bluetooth dans plusieurs. Ça marche en Wi-Fi. C'est génial. Wow. Ouais, je suis à la pointe sur les enceintes. T'avais quand même acheté un hand spinner aussi en enceinte Bluetooth, donc ouais, pas ça aussi, ouais. Ça, c'est pointe, du coup, ouais. Enceinte portable, tu peux te déplacer avec. Ouais. Tu vas trop loin, non? Je suis très bloodway, j'ai un peu loin. Il stresse quand il le voit arriver à la Fnac, Glandu. Qu'est-ce qu'il va acheter? C'est qui aux enceintes Bluetooth aujourd'hui? Ah putain, c'est Bernard, il va morfler. Il y a le taré des enceintes Bluetooth qui arrive. Qu'est-ce que vous avez en beaucoup trop d'exemplaires, Isabelle? Alors, ça fait mamie, hein, je suis d'accord. Bah, on a déjà eu le plaid, donc. Moi, c'est les boîtes Tupperware, tu vois, les boîtes en plastique, là, j'en ai plein. J'ai un placard rempli avec plein de boîtes de tailles différentes. Et en fait, j'adore parce que selon la quantité que j'ai la boîte qui va avec. Wow. C'est merveilleux, quoi. Bah, selon la quantité, si elle est trop grande, c'est pas grave, tu mets un truc dedans. Ah, pas... bah, si, c'est très très grave, je prends la moyenne, du coup, ou la encore plus petite, si c'est juste quelques petites olives, tu vois. Est-ce que, par exemple, tu mets les petites olives, par exemple, dans un truc qui est trop grand. Est-ce que tu vas vider le grand Tupperware pour remettre dans le petit Tupperware et donc aller laver le grand Tupperware? Mais carrément, je suis capable. Ah bon? Ok, bah voilà, on se demandait ce qu'elle foutait la journée. Julien, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce que t'as en beaucoup trop d'exemplaires chez toi? Moi, c'est les rouleaux de papier toilette. J'en achète tout le temps 16 paquets de 18 rouleaux. Ça me fait en tout 288 rouleaux à chaque fois. Oh là, ouais. Attends, comment ça? T'achètes 16 paquets de 18 rouleaux? Ouais. Mais tu les commandes sur internet ou tu vas dans le magasin? Non, je profite des promos, ça me fait économiser. Donc à chaque fois qu'il y a des promos, j'en prends. Oh la vache! Wow. Le passage en caisse est difficile. Ah ouais. Quoi. C'est pas souvent, mais du coup, c'est Mais difficile. Tu l'assumes le passage à la caisse avec les 16 paquets de 18 rouleaux? Bah, on est bien obligé, on en a besoin. Ouais. Pour en arriver là, je pense que Julien a eu un vrai traumatisme à un moment donné. Oh là là! Mais où est-ce que tu les ranges? Dans le garage et dans les toilettes aussi, j'ai un petit meuble. Ah ouais, j'arrive à ranger tout ça. D'accord. Ah ouais, c'est n'ouvre pas ton garage aux gens, hein. Parce que là, tu vas passer pour le taré du quartier. Merci de nous avoir appelé, Julien. J'imagine que tu nous appelles les toilettes, du coup. Pour amortir le prix, quoi. Belle journée à toi, Julien. Merci. Salut. Ciao. Bienvenue sur Énergie. Ce soir, c'est le week-end. C'est Manu dans le 6-9. C'est le week-end. Flo et Oli, tu connais, non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien. T'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre j'atteins un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien. Sur Énergie, c'est le meilleur de Manu dans le 6-9. On est vendredi matin, le 2 novembre. Et alors, vu que le week-end arrive, vu que c'est les vacances, on va parler de nos parents. Avec Manu qui a trouvé la liste des phrases que sortent à chaque fois nos parents dès qu'on part de chez eux. Par exemple, n'oublie pas le petit texto en arrivant. Ouais, ça, c'est un classique. DJ Snake aussi, je l'avais promis. Et juste avant sur Énergie, comme chaque matin, à 8h40, voici les sondages du jour. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Voici comme chaque jour les sondages du matin. Yes. Nous sommes 80% à nous penser bons là-dedans. En réalité, seulement 40% des gens le sont vraiment. D'après vous, de quoi il s'agit, Isabelle? En danse? C'est pas en danse. Non. Glandu? En discours? En discours non plus. C'est un truc que tu fais seul ou pour les gens? Tu le fais seul, mais ouais. C'est pour les gens. C'est pas genre raconter une blague, quoi? Non, c'est pas raconter D'accord. une blague. Okay. C'est pas à l'oral. Ah, c'est un sport? C'est pas un sport. C'est un truc écrit, écrire des poèmes? C'est un truc écrit. Alors, je vais vous donner la réponse. Ouais. Nous sommes 80% à nous penser bons là-dedans. En réalité, seulement 40% des gens le sont vraiment en orthographe. Ah, ouais. Ah oui. Un Paulette. Ouais. Bon. Oh, gratos, c'est pas vrai. Arrête. Bah, c'est pas vrai, je serais bonne en orthographe. Bah, t'appelleras voilà, mon prof de français, hein. Bah, c'est voilà, c'est ce que il m'adorait. Paulette, elle, bah, évidemment qu'il t'adorait, t'es une fille gentille. Ouais. Mais tu dis tout le temps, je suis hyper bonne, mais tu fais plein de fautes. Ouais. Bah, voilà. Non, bah, alors c'est d'inattention, parce que si je fais pas ça, j'en fais pas. Hein. C'est d'inattention. C'est d'inattention. T'es très inattentive, alors, parce que. Ouais. Mais qu'est-ce que t'es étourdi? Ouais. Nous passons en moyenne 30 heures par an à le faire au travail. D'après vous, c'est quoi? C'est pas du travail, hein, évidemment. Nico? Parler de ses enfants. Parler de ses enfants? Non, non, non. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants pour faire ça. Ah, ok. Glandu. Attendre que l'ordi charge. Attendre que l'ordi charge? Ouais, non, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une action. Ok. Ah. Paulette? Aller sur Facebook. Non. C'est que 30 heures, donc moi je dirais juste s'épiler les sourcils. 30 heures par an à le faire au travail, s'épiler les sourcils. C'est pas beaucoup 30 heures. Non, mais c'est bizarre de s'épiler les sourcils. Ouais, ouais, 30 heures. Moi je pense que c'est possible en un an. D'accord, je suis Schumacher, y a pas de problème. Nico? C'est un truc que tu fais devant ton bureau ou pas? Alors vraiment non. Parce que si tu le fais devant ton bureau, là je pense que ça va vraiment déplaire à tout le monde. Ah, tu mets une clope? Non. Aller aux toilettes? C'est ça. Effectivement. Ah, on ne le fait pas devant son bureau. Ouais, non, ça se fait pas. 30 heures par an à le faire au travail. C'est énorme. Aller aux toilettes. Bah t'es vraiment payé pour faire de la merde. Oh non! Ah oui, là oui. Ça marche? Ça se tient, ça se tient. 26% des hommes disent que c'est pour ça qu'ils sont tombés amoureux de leur partenaire. 26% des hommes disent c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait tomber amoureux d'elle. Glandu? Leur regard? Non. Nico? Ça a rapport avec le physique ou pas? Pas du tout. Ah. Rien à voir justement avec le physique, Isabelle? Leur écoute? Non. L'alcool? Ah bah, c'est horrible, c'est un peu triste, mais j'en sais rien. Ah oui, c'est triste. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose que la fille a fait. Qu'ils sont tombés amoureux, Paulette. Sa profession? Ils l'ont vu quelque part? Non. À son rire? Alors, c'est pas son rire, mais c'est un rapport. 26% des hommes disent que c'est pour ça qu'ils sont tombés amoureux de leur partenaire. Elle les a fait rire. Ah bah oui, c'est important. Eh ouais. Bon, après, si c'est en se cassant la gueule. Ouais, puis après, si c'est au cirque. Bon. Ah là là, tu m'as fait rire. Oui, mais non, repars comme quand t'étais. Bon, d'accord. Ah là là là là, tu viens d'aider. Pas terrible. Manu dans 6-9. C'est rigolo. Tous les matins sur Énergie. Como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Oh, oh, oh, oh. I'm music, I flow. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame